Épilogue. L'île était particulièrement belle et parfumée depuis quelques jours. Le changement de saison, tout en douceur, était cependant perceptible. Melchior s'était levé tôt et s'était acquitté avec sa bonne humeur coutumière de ses devoirs conjugaux et paternels. Il avait préparé le petit déjeuner de Clara et avait levé la petite Olga qui commençait à parler. Il avait également administré ses médicaments à Albe, qui ne quittait plus sa chambre depuis 2 ans. Il contemplait le jardin et le bord de mer avec une certaine satisfaction. Tout était calme et en bon ordre depuis de nombreux mois. Sa sœur Anna avait obéi sans rechigner à l'ordre de s'installer chez Serena et d'y laisser le mobilier en l'état. Gauthier, après une période de deuil réglementaire, avait repris des forces grâce à la compagnie retrouvée de son fils et au retour fréquent de Melchior à la villa. Le mariage lui avait fait grand plaisir, car il se flattait d'en être le premier instigateur. Melchior avait insisté pour que la petite porte le nom de sa grand-mère, ce qui avait beaucoup plu à tout le monde, excepté à Nils, qui l'avait gratifié d'une remarque sarcastique. Lui et Melchior n'avaient jamais reparlé de la disparition d'Olga. Tandis qu'il buvait son café, Clara vint l'embrasser. Il lui rendit son regard énamouré tout en songeant qu'elle l'avait notablement pâté depuis sa grossesse. L'amour indéfectible qu'elle lui portait était parfois agaçant, mais elle le laissait tellement libre et avait tant de respect pour sa solitude qu'elle ne le dérangeait finalement pas beaucoup plus qu'un animal de compagnie. Quand elle fut partie s'atteler à ses tâches domestiques, Melchior s'accorda le loisir de penser à Serena. Il regardait toujours si son nom se trouvait dans les rapports de Raffles, mais jusqu'à présent il ne l'avait pas trouvée. Elle n'était plus qu'un souvenir un peu brûlant dont il se servait à l'occasion pour stimuler son désir. Lorsqu'il prévint sa femme qu'il s'enfermait pour travailler, il lui rappela que Gauthier et Nils devaient venir déjeuner. Frappé d'un léger ennui, Melchior alluma son ordinateur et consulta ses ordres. À leur lecture, une excitation familière s'empara de lui, et un sourire de triomphe se dessina involontairement sur ses lèvres. Alors il sut, une fois pour toutes, qu'il ne s'était pas trompé sur ce qu'il était. Il venait d'être promu à la tête d'une communauté urbaine de 12 000 âmes. Ainsi s'achève L'Archipel par Pauline Puciano.